Bonjour à toutes et tous, c'est l'heure du mag d'actu sur Radioactive. Et dans cette édition, on va s'intéresser aujourd'hui à la MJC d'Amboise, ou Centre Socio-Culturel Charles Péguy, qui fête cette année ses 60 ans d'investissement pour l'animation d'Amboise et du territoire, et qui a prévu pour l'occasion plein de rendez-vous. Clara Fillon, responsable de la structure, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Clara. Bonjour. Alors tout d'abord, on souhaite un bon anniversaire évidemment à la MJC et à toute son équipe. Merci. On ne fait pas nos 60 ans. Non, c'est vrai, j'avoue. Mais justement, 60 ans, on parle plus d'ancrage local fort, mais de véritables institutions connues, reconnues sur le territoire. Oui, l'engagement de la MJC, donc, qui est une association d'éducation populaire, a pu investir en fait, le territoire sur plein de champs d'intervention, la jeunesse évidemment, la culture, le tourisme social et solidaire. Voilà, donc aujourd'hui on est une des plus grosses assos du territoire d'Amboise et Val d'Amboise. Et donc on pensait intéressant en fait de faire une grande fête pour fêter nos 60 ans d'existence sur 10 jours en fait. Alors effectivement, il y a un énorme programme et c'est vrai que comme vous le disiez, et j'allais vous poser la question, c'est que les champs d'intervention de la MJC, centre social, puisque la fusion des deux entités regroupe énormément d'actions, mais aussi plein de publics différents, parce que la MJC, c'est pas seulement l'accueil des jeunes. Non, c'est pas du tout l'accueil des jeunes, c'est l'accueil de tous et toutes, en fait. On est sur un projet vraiment de mixité sociale, culturelle, d'âge, voilà, on est sur plein de projets, on est surtout sur des prétextes à la rencontre, en fait, sur la MJC. Ce qui est la base, hein, quand on regarde 60 ans en arrière, quand les MJC se sont développés, l'idée c'était de rassembler justement, il y avait le côté occupationnel aussi dans les banlieues, notamment. Oui, c'est ça. Après, le projet initial, c'était vraiment la maison des jeunes et de la culture. On est une des premières MJC de France. On a été inaugurée par Herzog, secrétaire d'État à la jeunesse et à la culture à l'époque. Ouais. Et ouais, en 1964. Donc voilà, c'est un projet d'ampleur sur le territoire. Après, dans les années 70, on a ouvert l'auberge de jeunesse. Voilà. Donc depuis les années 70 aussi, on porte le projet Auberge de jeunesse sur le territoire, qui est une ouverture au monde pour les jeunes et les moins jeunes, et à la rencontre, encore une fois, entre les Amboisiens et les étrangers, comme on aime les appeler. Alors, au programme de ces 60 ans, on va retrouver de la danse, du théâtre, des expos, de la musique et, ah bah tiens, de la radio. Évidemment, en tant que partenaire de proximité, on ne pouvait pas ne pas être de la partie et on en est ravis. Alors, justement, ce programme, Clara, de quoi va-t-il être composé ? Alors, c'est un programme, un vrai marathon de pratiques artistiques et culturelles et d'événements sociaux, de rencontres, de convivialité, voilà, des valeurs qui nous sont chères. Donc, on commence par un gala de danse. On commence ce samedi au centre socioculturel de Nazelles. Donc le gala de danse à 17h30. On ouvrira les portes un peu plus tôt puisqu'on aura une buvette, voilà, des espaces aussi pour rencontrer les adhérents et leurs familles. Donc c'est le 15 juin à 17h30 au centre socioculturel de Nazelles. Dimanche, il devait y avoir la fête de quartier. Et oui, sauf quand on a regardé un peu la météo et des grosses rafales de vent sont attendues. Du coup, on a pris la décision de reporter cette fête de quartier au 13 juillet. Voilà, au Très samedi bien. 13 juillet, mais sur le même format, toujours 10h-22h, avec plein d'activités pour petits et grands, même tout petits et grands, puisqu'il y aura aussi tout un village pour les tout petits, de motricité, activités parents-enfants. Après, il y aura un village d'enfants aussi, avec des jeux de kermesse. Il y aura de l'escape game, du laser game, plein d'autres surprises, on ne va pas tout dévoiler. Les associations de quartier qu'on a remobilisées aussi sur cette date. Voilà, pour tout ce qui est restauration, puisqu'on aime toujours bien manger à la MJC. Et puis manger des choses originales et sympas, propres à notre beau quartier. Et puis, ce sera aussi un temps d'engagement des jeunes. Un temps d'engagement des jeunes parce qu'ils vont tenir un bar tropical sur la fête de quartier. Voilà, donc ils travaillent dès demain, en fait, à la décoration de ce stand. Ensuite, on enchaîne avec une soirée des amis. Une soirée où, en fait, sur la MJC originelle, donc sur l'île d'Or, à l'étiquette tape, du coup, on organise un apéritif de tous les amis de la MJC. L'histoire de... Et pas de parler d'histoire, justement, de l'association, des engagements de tout à chacun, et de faire rencontrer les personnes qui ont mis la pierre à l'édifice de la MJC. Ça veut dire que les parents, peut-être, de jeunes qui actuellement fréquentent la MJC, qui eux-mêmes ont été adhérents, ont été participants des activités, tout le monde est invité à venir se retrouver ? C'est ça. En fait, il y a eu des invitations aussi très ciblées sur des personnalités hein, qui ont marqué l'histoire de la MJC d'Amboise. Donc, on a invité des anciens administrateurs, des partenaires forts. Voilà. Et là, l'idée, c'est vraiment de se retrouver aussi sans son étiquette quand on fait partie d'une institution. Juste le plaisir de se retrouver sans venir avec son bagage institutionnel, forcément très professionnel, juste un temps d'échange convivial. Super. Donc ça, rappelez-nous la date. Le lundi 17 juin, voilà. Okay. Et dès le lendemain, soit on recommence une festivité qui est maintenant un rendez-vous hein, de la MJC, qui est le vernissage des ateliers dessin-peinture de la MJC. Mm-hmm. On valorise toutes les œuvres, en fait, des plus jeunes ateliers jusqu'aux adultes. Le vernissage est le mardi 18 juin à partir de 18h30. L'exposition, elle aura lieu du 18 juin dès 10h jusqu'au 23 juin au soir dans la salle Francis Poulenc à Amboise. Centre-ville. C'est ça. Très bien. Et il nous paraissait très important de laisser la place aux jeunes. Oui. Voilà. Donc on a appelé le mercredi 19 juin place aux jeunes et on a décidé de le faire sur le quartier de Malétrenne. Mm-hmm. Alors là, c'est un gros événement puisqu'en fait, on a invité une patinoire disco à venir sur la place qui se situe à Allée de Plaisance à Malétrenne. Il y aura un talk show avec vous. Voilà. Ouais, on sera là. Vous serez là. Une interview avec une adjointe au maire d'Amboise. C'était une demande de nos jeunes, oui, en fait. Oui, Sandra Guissard, effectivement, voilà. Dans le cadre des émissions sur les éco-gestes. Et d'ailleurs, on en profite pour saluer nos journalistes en herbe de la MJC d'Amboise qui sont vraiment super et qui auront l'occasion, effectivement, d'échanger avec cette adjointe, Sandra. C'est ça. Et puis, ça se terminera aussi avec... on a invité aussi un jeune qui lance son EP de rap, donc Thomas, qui viendra nous présenter, en fait, son album et nous fera sûrement un petit concert à la fin de cette journée. Il y aura aussi des ateliers d'écriture rap, puisque la MJC d'aujourd'hui, c'est aussi un projet autour des cultures urbaines. Oui. Voilà, donc un petit clin d'œil à nos open mic, open dance qui se sont déjà déroulés tout au long de l'année. On enchaîne après avec un vrai temps institutionnel très attendu au théâtre le 20 juin. En fait, on a notre assemblée générale. Mm-hmm. Voilà, donc une rétrospective de l'année 2023 de toute l'association. Voilà, donc on travaille encore sur les présentations. Des rapports d'activité, des rapports financiers. Et oui, le gros boulot de l'année. On ne se rend pas compte, mais sachez, messieurs, dames qui nous écoutez, qu'au-delà des animations proposées, il y a un gros boulot d'écriture derrière. Hein, voilà, oui. Faut condenser tous les chiffres, le qualitatif, le quantitatif, et pour en faire de beaux PowerPoint lors des assemblées générales. Des magnifiques PowerPoint. Après, c'est un vrai temps aussi de démocratie associative. Bien donc, sûr. C'est aussi l'occasion de décider de s'engager pour la MJC présenter vos candidatures. Si vous voulez nous rejoindre sur l'année prochaine, sur la saison prochaine. Voilà, donc... Le 20 juin. Le 20 juin, c'est bien ça. Fête de la musique le 21 juin, on ne pouvait pas y couper. Et incontournable. Incontournable. Et donc, on aura une soirée un peu plus cosy, on va dire, à l'étiquetap, avec chanteur, voix, guitare, guitariste, voilà. Donc là, c'est Alvin, qu'on connaît bien, qui est souvent sur nos open mic, qui elle sera le musicien aux manettes, avec deux autres musiciens également, sur de la voix et du clavier, si je ne m'abuse. Ça s'y prête bien en bord de Loire. Exactement. Bah oui, c'est parfait. Et on finit en beauté, en apothéose avec notre festival Petites Pièces Détachées, le festival enfants, ados et aussi adultes, où vous pourrez retrouver en fait toute la valorisation, toutes les pièces de théâtre travaillées par les jeunes acteurs et les moins jeunes acteurs aussi, menées par Sylvie Mantouan. Et vous aurez aussi la joie de découvrir nos acteurs d'impro théâtre qui feront aussi une apparition sur le festival. Voilà. Et festival qui aura lieu où ça, Clara ? Au théâtre Beaumarchais, voilà, de la ville d'Amboise. Et ce sera aussi l'occasion en fait, de rencontrer le théâtre d'impro qui fera une porte ouverte la semaine qui suit nos festivités des 60 ans. Donc voilà, vous aurez toutes les informations à ce moment-là. Eh bien, dis donc, on imagine que le temps est compté en ce moment avec tout ce qui est en train de se préparer, Clara. Le temps est compté et encore, ce n'est que nos animations de fin d'année, de fin de saison. Mmh. Et on sait qu'on va aussi avoir un été assez chargée, mais je repasserai pour vous présenter tout ça. Ok, très bien. Donc, une émission spéciale sur tous les séjours, notamment, que vous proposez, les vacances apprenantes aussi, il y a tout un tas de choses qui se préparent. Les vacances dans les quartiers aussi, hein, les animations de quartier, en bas d'immeubles. Voilà, tout ça, on pourra en reparler. Et puis, l'occasion aussi d'en reparler sur tous les événements de la MJC de la semaine prochaine, dès ce samedi d'ailleurs. Mmh. Donc, venez nous rencontrer, l'équipe de la MJC, administrateurs, salariés, bénévoles. Voilà, on sera là pour vous renseigner sur tout ce qui vous attend sur les 60 prochaines années. voyons loin, vous avez raison. Donc, toutes ces infos, on peut les retrouver, j'imagine, évidemment, sur les réseaux sociaux. Oui, sur le site internet aussi. On a une application Cilia à télécharger. Donc, si vous scannez le petit QR code sur toute notre communication, vous retrouverez aussi la marche à suivre sur notre site internet mjcdamboise.fr. Eh bien, c'est parfait. Précisons peut-être aussi que toutes ces animations proposées sont en accès libre et gratuit. Oui, tout à fait. Sauf le gala de danse où on demande une participation puisqu'on est obligé de limiter les places. Évidemment. Voilà. Et du coup, oui, tout est gratuit pour tout le monde. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Clara. Je rappelle que vous êtes responsable à la MJC Centre Social et que vous nous avez fait le plaisir de venir aujourd'hui nous parler de ce programme des 60 ans. Alors, encore une fois, bon anniversaire à la MJC d'Amboise. Et ben merci. Au nom de la MJC d'Amboise, on vous remercie. Et puis, toujours un plaisir de venir à Radioactive. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce mag. Vous pourrez le retrouver en podcast si vous voulez réécouter toutes ces infos que Clara vient de nous donner aujourd'hui sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM.